70e nuit. Imbad ne fut pas peu surpris du compliment qu'on lui faisait. Après le discours qu'il venait de tenir, il avait sujet de craindre que Simbad ne l'envoyât chercher pour lui faire quelque mauvais traitement. C'est pourquoi il voulut s'excuser sur ce qu'il ne pouvait abandonner sa charge au milieu de la rue. Mais le valet de Simbad l'assura qu'on y prendrait garde, et le pressa tellement sur l'ordre dont il était chargé que le porteur fut obligé de se rendre à ses instances. Le valet l'introduisit dans une grande salle où il y avait un bon nombre de personnes autour d'une table couverte de toutes sortes de mets délicats, où on voyait à la place d'honneur un personnage grave, bien fait et vénérable par une longue barbe blanche. Et derrière lui était, debout, une foule d'officiers et de domestiques fort empressés à le servir. Ce personnage était Sinbad. Le porteur, dont le trouble s'augmenta à la vue de tant de monde et d'un festin si superbe, salua la compagnie en tremblant. Sinbad lui dit de s'approcher, et après l'avoir fait asseoir à sa droite, il lui servit à manger lui-même et lui fit donner à boire d'un excellent vin dont le buffet était abondamment garni. À la fin du repas, Sinbad, remarquant que ses convives ne mangeaient plus, prit la parole. Et s'adressant à Imbad, qu'il traita de frère, selon la coutume des Arabes, lorsqu'ils se parlent familièrement, il demanda comment il se nommait et quelle était sa profession. « Seigneur, lui répondit-il, je m'appelle Imbad. »« Je suis bien aise de vous voir, reprit Imbad, et je vous réponds que la compagnie vous voit aussi avec plaisir. Mais je souhaiterais d'apprendre de vous-même ce que vous disiez tantôt dans la rue. » Sinbad, avant que de se mettre à table, avait entendu tout son discours par la fenêtre. C'était ce qui l'avait engagé à le faire appeler. À cette demande, Sinbad, plein de confusion, baissa la tête et repartit. « Seigneur, je vous avoue que ma lassitude m'avait mis en mauvaise humeur, et il m'est échappé quelques paroles indiscrètes que je vous supplie de me pardonner. » « Oh, ne croyez pas, reprit Sinbad, que je sois assez injuste pour en conserver du ressentiment. J'entre dans votre situation. Au lieu de vous reprocher vos murmures, je vous plains. Mais il faut que je vous tire d'une erreur où vous me paraissez être à mon égard. Vous vous imaginez sans doute que j'ai acquis sans peine et sans travail toutes les commodités et le repos dont vous voyez que je jouis. Désabusez-vous. Je ne suis parvenu à un état si heureux qu'après avoir souffert durant plusieurs années tous les travaux du corps et de l'esprit que l'imagination peut concevoir. « Oui, Seigneur, ajouta-t-il en s'adressant à toute la compagnie, je puis vous assurer que ces travaux sont si extraordinaires qu'ils sont capables d'ôter aux hommes les plus avides de richesses l'envie fatale de traverser les mers pour en acquérir. Vous n'avez peut-être entendu parler que confusément de mes étranges aventures et des dangers que j'ai courus sur mer dans les 7 voyages que j'ai faits. Et puisque l'occasion s'en présente, je vais vous en faire un rapport fidèle. Je crois que vous ne serez pas fâché de l'entendre. » Comme Sinbad voulait raconter son histoire, particulièrement à cause du porteur, avant que de la commencer, il ordonna qu'on fît porter la charge qu'il avait laissée dans la rue, au lieu où Sinbad marqua qu'il souhaitait qu'elle fût portée. Après cela, il parla en ces termes. Premier voyage de Sinbad le marin. J'avais hérité de ma famille des biens considérables. J'en dissipais la meilleure partie dans les débauches de ma jeunesse. Mais je revins de mon aveuglement, et, en rentrant en moi-même, je reconnus que les richesses étaient périssables et qu'on en voyait bientôt la fin quand on les ménageait aussi mal que je faisais. Je pensais de plus que je consumais malheureusement une vie déréglée, le temps qui est la chose du monde la plus précieuse. Je considérais encore que c'était la dernière et la plus déplorable de toutes les misères que d'être pauvre dans la vieillesse. Je me souvins de ces paroles du grand Salomon que j'avais autrefois ouï dire à mon père. Il est moins fâcheux d'être dans le tombeau que dans la pauvreté. Frappé de toutes ces réflexions, je ramassai les débris de mon patrimoine. Je vendis à l'encan, en plein marché, tout ce que j'avais de meubles. Je me liai ensuite avec quelques marchands qui négociaient par mer. Je consultai ceux qui me parurent capables de me donner de bons conseils. Enfin, je résolus de faire profiter le peu d'argent qui me restait. Et dès que j'eus pris cette résolution, je ne tardai guère à l'exécuter. Je me rendis à Balsora, où je m'embarquai avec plusieurs marchands, sur un vaisseau que nous avions équipé à frais communs. Nous mîmes à la voile et prîmes la route des Indes orientales par le golfe Persique, qui est formé des côtes de l'Arabie heureuse à la droite, et par celle de Perse à la gauche, dont la plus grande largeur est de 70 lieues, selon la commune opinion. Hors de ce golfe, la mer du Levant, la même que celle des Indes, est très spacieuse. Elle a d'un côté pour borne les côtes d'Abyssinie, et 4500 lieues de longueur jusqu'aux îles de Vakvak. Je fus d'abord incommodé de ce qu'on appelle le mal de mer. Mais ma santé se rétablit bientôt, et depuis ce temps-là, je n'ai point été sujet à cette maladie. Dans le cours de notre navigation, nous abordâmes à plusieurs îles, et nous y vendîmes ou échangeâmes nos marchandises. Un jour que nous étions à la voile, le calme prit vis-à-vis une petite île presque à fleur d'eau, qui ressemblait à une prairie par sa verdure. Le capitaine fit plier les voiles et permit de prendre terre aux personnages de l'équipage qui voulurent y descendre. Je fus du nombre de ceux qui y débarquèrent. Mais dans le temps que nous nous divertissions à boire et à manger, et à nous délasser de la fatigue de la mer, l'île trembla tout à coup, et nous donna une rude secousse.